C'était les guignols de l'info. L'info, en clair. Les guignols de l'info. C'était une parodie d'info. L'info, en clair. Les guignols de l'info. Salut bonhomme. Pendant l'âge d'or de Canal+, il y avait ce petit truc en plus. C'était des infos avec des marionnettes. Ils détournaient toute l'actualité. Sport, politique, people, télé. On rigolait bien à propos de notre planète. C'était les guignols de l'info, l'info, en clair. Les guignols de l'info, c'était une parodie d'info, l'info, en clair. Les guignols de l'info. Oh là là là là là là, mais on va tous mourir alors. Non, Richard, pas toi. Vous avez un antidote, 12 piqûres, ma famille, hier soir, et tout ira bien. Oh, mais j'aime mieux ça. À un moment, j'ai cru que vous vouliez me doper à l'insu de mon plein gré. Johnny et sa boîte à coucou. Chirac et son trip sur les pommes. Manger des pommes. Larc et son Thierry. Papin et ses pépins. Alors là, camembert, hein. Denisot est toujours désolé. Désolé. Monsieur Sylvestre va licencier. Rocard et de greffe, parce qu'on n'y comprend rien. Racule un mouton. C'était les guignols de l'info. L'info, en clair. Les guignols de l'info. C'était une parodie d'info. L'info, en clair. Les guignols de l'info. C'était les guignols de l'info. L'info, en clair. Les guignols de l'info. C'était une parodie d'info. L'info, en clair. Les guignols de l'info. S'il vous plaît, monsieur, faites un don pour la lutte contre la myopathie à base de pompe à pompe. Chez moi, mais... Donne-moi de la thune, bébé. C'est ta bombe, bébé. C'était les guignols de l'info. Gadabuf. Magabuf. C'était les guignols de l'info. Arrière, Satan, arrière. Je t'ai démasqué, Belzébuth. C'est les guignols de l'info. T'as tout pété. C'était les guignols de l'info. T'as dans la poule, on le prenait au plus, c'est tout. C'était les guignols de l'info. L'info, en clair. Les guignols de l'info. C'était une parodie d'info. L'info, en clair. Les guignols de l'info. C'était les guignols de l'info. L'info, au clair. Les guignols de l'info. C'était une parodie d'info. L'info, en clair. Les guignols de l'info. C'était les guignols de l'info. Allez, à ciao, bonsoir.